La note de l'état-major général de l'armée populaire de Corée, nous ne tolérerons point les démarches militaires téméraires des bellicistes militaires sud-coréens, a été rapportée les 28 et 29 mai par les agences de presse, journaux et en pages internet russes, chinois, libanais, turcs et japonais.